Le marquage et les panneaux se complètent. Le panneau d'obligation indique clairement que je dois ou bien continuer tout droit ou bien tourner à gauche. Il m'est impossible d'aller à droite. Le marquage indique que si je veux tourner à gauche, je dois me placer dans cette voie. En revanche, si je veux continuer tout droit, je dois rester là où je suis. Donc, placé où je suis, je ne peux qu'aller tout droit. Réponse A.